Bollywood Versus, c'est déjà 5 mois d'existence et 25 épisodes de sortie. On vous remercie pour votre écoute fidèle et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des notes et des commentaires sur les plateformes de podcast comme iTunes, Deezer, Spotify ou Google Podcast. Tout au long des épisodes, nous vous avons teasé les films sur notre Instagram Bollywood-Versus et nous continuerons. Que va-t-on retrouver dans cette saison 2 et pour la rentrée de septembre ? Comme toujours, nous aborderons des thèmes de société qui nous tiennent à cœur et qui démontrent que Bollywood aussi est capable de traiter des sujets forts. La drogue, le droit des femmes, les violences domestiques et tant d'autres. Nous continuerons de nous amuser avec des films plus légers et tenterons peut-être même notre chance avec de grands classiques où les poils sur le torse et les cheveux brochés étaient considérés comme le summum du sex appeal. De temps à autre, nous ferons un petit écart du côté des films plus occidentaux pour comparer le traitement de l'Inde ou la vision de faits historiques avec le cinéma indien. Enfin, nous nous intéresserons également aux séries indiennes pour voir ce qu'elles nous réservent. Nous espérons que vous serez encore nombreux à nous suivre dans nos découvertes et nos critiques. Et si vous avez des suggestions, notre boîte mail bollywoodversus@gmail.com reste ouverte. À bientôt pour cette nouvelle saison et très bonne rentrée à tous. Bonne rentrée. जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं